بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours numéro 8 aujourd'hui dans le livre du Cheikh عبيد الجابري حفظه الله الحد الفاصل بين معاملة أهل السنة وأهل الباطل c'est-à-dire la ligne qui tranche entre la manière dont on doit agir avec les gens de la sunna et envers les gens de la fausseté parce qu'il y a bien entendu une façon d'agir qui est spécifique à chacun de ces deux groupes-là les gens de la vérité comment on doit agir avec eux et les gens de la fausseté, comment on doit agir avec eux. Et c'est très important, comme on l'a expliqué dans les cours précédents, de distinguer entre ces deux groupes-là et dans la manière d'agir envers les deux, puisque si on n'arrive pas à comprendre la différence entre les deux, eh bien, on va tomber dans une forme d'exagération ou d'extrémisme ou d'égarement. Ça, c'est obligatoire. Et comme le but du livre, en fait, c'est d'expliquer comment on doit agir envers ceux-là et envers ceux-là, mais bien entendu, c'est pas possible d'arriver à être capable de distinguer entre les deux sans, bien entendu, avoir une base, sans avoir une connaissance à la base pour être capable de savoir ou de reconnaître qui sont les gens de la sunna en premier, puis qui sont les gens de la fausseté. Donc, ce livre-là, c'est un livre très bénéfique pour quelqu'un qui a certaines bases. Et le cheikh, à travers le livre, il essaie de clarifier quand même certains principes. Mais pour comprendre ce livre-là fondamentalement, il faut avoir des connaissances préalables. Tu comprends? Parce que, premièrement, il faut savoir qui sont Ahl Sunna, c'est quoi leur croyance, c'est quoi leur principe, c'est quoi leur base, c'est quoi leur manhaj, c'est quoi leur aqidah. Et avec cette connaissance-là, c'est ça qui va nous permettre de distinguer entre qui sont les gens de la sunna et qui sont les gens de la fausseté. Mais si tu ne connais pas qu'est-ce que c'est la sunna, qu'est-ce que c'est la aqida de Ahl Sunna, qu'est-ce que c'est le manhaj de Ahl Sunna, eh bien tu ne pourras pas distinguer entre les deux et tu vas mélanger. C'est obligatoire. Donc tu vas finir par agir d'une manière incorrecte envers les gens de la sunna et d'agir d'une manière incorrecte envers les gens du Ba'atil parce que tu ne sais pas qui est qui. Donc ça c'est déjà un grave problème qu'on retrouve chez beaucoup de gens, de pas être capable de connaître déjà la vérité. Et les ulama ils disent "I'arif al-haq, ta'arif ahla." C'est-à-dire connais la vérité, tu vas connaître qui sont les gens de la vérité. Mais si tu connais pas la vérité, peu importe comment tu essaies, tu vas pas être capable de reconnaître les gens de la vérité et tu vas peut-être même te tromper et penser que les gens de la fausseté sont les gens de la sunna. Et penser que les gens de la sunna sont les gens de la fausseté. Et ça, c'est ce qui arrive, de la part de beaucoup de gens qui, justement, ont ce manque de compréhension, de connaissance. Et la connaissance de la aqidah et du manhaj de Ahl Sunnah wal Jama'a, on le tire du Coran, on le tire de la sunna, parce que c'est les deux fondements, c'est les deux bases de la religion, et on tire également de la compréhension du manhaj, c'est-à-dire de la méthodologie des salafus salih, les pieux prédécesseurs. Et qui sont les pieux prédécesseurs? Eh bien, c'est les sahaba, c'est les tabi'in, c'est les tabi'in, ceux qui ont étudié avec les sahaba et ceux qui ont étudié avec les étudiants des sahaba et ceux qui ont suivi leur méthodologie et leur croyance jusqu'à aujourd'hui. Les trois imams font partie de la fin de la troisième génération, le début de la quatrième. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad. C'est ça. Donc ces générations-là sont les meilleures générations et c'est notre référence. Et alhamdoulillah, c'est pas comme si ce manhaj et cette aqida était juste comme tiré de l'effort de certaines personnes, par exemple, pour essayer de comprendre par lui-même c'est quoi cette aqida-là et d'essayer de l'imaginer, mais c'est quelque chose qui a été... c'est-à-dire les ulama des salaf ont fait des grands efforts pour rassembler des livres qui contiennent justement les détails de la méthodologie des salaf et leur manhaj et leur aqidah dans des livres qu'ils ont intitulés par différents noms, soit As-Sunna, soit As-Sharia, soit Al-Iman. Il y en a beaucoup de livres comme ça. Il y a un des mashaykhs, le cheikh Abdul Karim Abdul Salam Ibn Burjis, Salam Ibn Burjis, il a écrit un livre qui s'appelle, ou qui s'intitule, je pense, Tadwin Aqidat Ahl-Sunnah, ou bien Manhaj Ahl-Sunnah, ou Salaf al-Salih. Je ne me rappelle plus du titre comme il faut, mais c'est un livre qui énumère un grand nombre de textes et de livres qui ont rassemblé, que les imams des Salaf ont écrit pour clarifier et rassembler la Aqidah et la position des Salaf al-Salih. Ben, dans les livres de hadith, il y a justement des positions des salaf sur la question du manhaj et de la aqida. Par exemple, Sahih al-Bukhari, l'imam al-Bukhari fait partie des imams des salaf. Eh bien, dans son Sahih, il y a des chapitres qui sont des chapitres de réfutation des gens d'innovation de bid'ah, et qui sont des défenses de l'aqidah d'Ahl-Sunnah, comme Kitab al-Iman. Ou bien, dans Kitab al-Iman, par exemple, dans le chapitre de la foi, dans Sahih al-Bukhari, eh bien, il va réfuter, par exemple, les Murji'ah. Et il va réfuter, par exemple, la secte des Khawarij. Et il va expliquer l'aqidah d'Ahl-Sunnah à propos de la foi. Dans, par exemple, Kitab al-Tawhid, dans Sahih al-Bukhari, il y a un chapitre qui s'intitule Kitab al-Tawhid. Et dans ce chapitre, il réfute les Jahmiyyah et les Mu'tazila et beaucoup d'autres sectes. Il y a un autre chapitre qui s'intitule Al-I'tisam. Donc, dans Al-I'tisam, il réfute aussi les gens de bid'ah dedans. Il y en a plusieurs comme ça, où il réfute les Mubtadi'a et il confirme la aqida d'Ahl-Sunnah dans Sahih al-Bukhari. Dans Sahih Muslim, la même chose. Kitab al-Iman. Il réfute les Mubtadi'a au sujet des questions qui ont rapport avec l'Iman. Et au sujet, il réfute les Murji'a, les Khawarij, les Mu'tazila, les Asha'ira, et ainsi de suite. Tu vas trouver aussi dans Kitab al-Zakat. Il ramène tous les hadiths qui ont rapport avec les Khawarij dans le chapitre de la Zakat. Tous les hadiths dans lesquels Ahl-Sunnah les hadiths qu'on a rapportés, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des Khawarij quand ils vont sortir. Ils sont dans Sahih Muslim, et il y en a dans le Bukhari, il y en a dans le Muslim, mais dans Sahih Muslim, ils sont dans le Kitab al-Zakat. Okay? Par exemple aussi, dans Kitab al-Imara, il va rapporter les hadiths au sujet de l'obéissance aux dirigeants, réfuter les Khawarij. Et il y en a beaucoup d'autres exemples comme ça. Par exemple, dans Sunan Abu Daoud, il y a un chapitre qui s'intitule, même je pense que c'est un des chapitres qui s'intitule Ar-Raddu ala al-Jahmiyya, la réfutation des Jahmiyya. Il y a un, par exemple, dans Sunan Ibn Majah, eh ben, le premier chapitre, c'est Kitab Sunnah, je pense. Et justement, ça aussi, c'est la confirmation, la défense de la aqidah et du manhaj des salaf et la réfutation des sectes et des gens de bid'ah. Dans At-Tirmidhi et dans tous les livres des Sunan. Donc, tu trouves dans ces livres-là des livres qui contiennent la défense du manhaj des salaf et la réfutation des méthodologies des gens de bid'ah. Mais il y a d'autres imams qui ont écrit des livres séparés. C'est-à-dire, c'est pas un chapitre dans un livre, c'est un livre, qui est écrit comme ça, juste sur ce sujet-là. Comme par exemple, le livre de l'imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Sharia. Ar-Raddu ala al-Jahmiya wa al-Zanadiqa. Ça, c'est un livre de l'imam Ahmad qui est écrit pour réfuter les Jahmiya, les Zanadiqa. Il y a un autre livre de l'imam Ahmad qu'on appelle Usul al-Sunnah, les fondements de la Sunna. Et dans ce livre-là, il explique c'est quoi la aqidah d'Ahl-Sunnah et c'est quoi leur manhaj. Et il mentionne les points les plus importants sur ça. Il y a la aqidah de l'imam al-Bukhari même, qui est un livre avec des points qui supportent la aqidah d'Ahl-Sunnah et qui réfute les sectes et les gens de bid'a. Il y a aussi le livre du fils de l'imam Ahmad qui s'appelle aussi As-Sunnah. Il y a le livre de l'imam al-Barbahari qui s'appelle As-Sunnah, le Sharh As-Sunnah exactement. Le livre de l'imam Ibn Abi Asim qui s'appelle aussi As-Sunnah. Le livre de l'imam al-Marwazi qui s'appelle As-Sunnah. Le livre de l'imam, il y en a plusieurs comme ça. L'imam al-Khalal. Al-Khalal, il a écrit un livre qui s'appelle As-Sunnah aussi, qui était un des compagnons. Non, ça c'est parce que premièrement, c'est une science. Il y a ce qu'on appelle le mustalah, mustalah al-hadith, et ilm al-rijal et tout ça. Donc, ça c'est une science en soi. Et pour expliquer comment ils savent ça, bon, ça prend pour étudier, c'est un dars, un cours au complet qu'il faudrait faire sur ce sujet-là. Mais c'est clair qu'ils ont une méthodologie scientifique qu'ils utilisent pour être capable de distinguer entre le hadith sahih et le hadith daif. Et c'est pas quelque chose qui a été fait comme ça à la légère, c'est quelque chose qui a été fait de façon très méticuleuse et très détaillée, avec des principes très stricts et très clairs. Donc alhamdulillah, la science du hadith s'est développée avec le temps, et les ulama, donc, ils ont établi des terminologies pour classifier les hadiths et les distinguer les uns des autres. Donc tout ça, c'est autre chose. On pourrait en reparler, mais c'est ça. Donc tout ça, c'est une introduction pour clarifier qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui, parce que pour quelqu'un, par exemple, qui n'a pas écouté les premiers cours, quand il va entendre qu'est-ce qu'on va expliquer aujourd'hui, peut-être qu'il y a des choses qui vont, c'est-à-dire qu'il va se poser des questions, qu'il va demander à comprendre des détails qui sont pas expliqués nécessairement, parce que il y a des choses qui ont déjà été dites avant. Puis aussi, il faut savoir que si quelqu'un n'a pas étudié préalablement la aqidah des salafs et leur manhaj de leurs livres, eh bien c'est sûr qu'il aura une lacune, il ne pourra pas comprendre certains points ou certains fondements, mais pour ça, il faut qu'il retourne aux cours qui ont été faits sur ça pour comprendre les bases, puis après, tout ça, ça va se clarifier avec le temps. Inch'Allah. Donc, on est rendu à la question numéro 18. As-su'al al-thamin ashar. La question qui a été posée, جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم هذا سائل يسأل ويقول ما رأيكم في من يقول للشباب السلفي إنكم حصرتم المنهج في هؤلاء المشايخ شيخ ربيع وشيخ عبيد شيخ النجمي وفالح الحربي وكيف نعتذر للعلماء الذين لا يتكلمون في المنهج. Donc la question suivante a été posée au شيخ عبيد. Que Allah vous récompense en bien et que Allah vous soit bon. Un questionnaire pose la question suivante. Quelle est votre opinion au sujet du jeune salafi, ou bien plutôt فِيمَنْ يَقُولُ لِلشَّبَابَ السَّلَافِ, c'est-à-dire à celui qui dit au jeune salafi, vous avez limité le manhaj ou les questions de manhaj à ces mashayikh seulement. C'est-à-dire les questions de manhaj, vous avez limité ces questions-là aux mashayikhs suivants. Là, il énumère des noms. Cheikh Rabi', c'est-à-dire Cheikh Rabi' al-Madkhali, Cheikh Ubaid, c'est-à-dire Cheikh Ubaid al-Jabiri, Cheikh al-Najmi, c'est-à-dire Cheikh Ahmad al-Najmi, qui était un des grands mashayikhs qui est décédé, rahimahullah, et Falih al-Harbi. Et en passant ici, Falih al-Harbi, c'était à l'époque. Parce qu'on sait que, par la suite, les savants ont mis en garde contre lui, parce que c'est quelqu'un qui est tombé dans l'extrémisme, dans l'exagération, puis dans l'égarement. Et les savants lui ont donné la nasiha, lui ont fait la nasiha et lui ont envoyé beaucoup de lettres pour parler avec lui, pour l'amener à revenir sur ses positions qui sont incorrectes, et il a refusé obstinément. Et c'est quelqu'un qui est tombé donc dans l'exagération et dans l'extrémisme. Il exagère dans la critique et il épargne personne parmi les ulama et critiques. Tous les ulama, ils parlent d'eux sans respect. Donc à cause de ça, les shuyukh, les ulama comme Cheikh Rabi' et d'autres l'ont réfuté et ont mis en garde contre lui. Et le fait que quelqu'un soit, par exemple, à un moment donné, parmi des gens que les gens prennent comme une référence à un moment donné, parce que c'est quelqu'un qui est salafi, et parce qu'il a une référence, et parce que les savants lui font une tazkiya, parlent de lui en bien, et que par la suite il change, et il dévie, et que par la suite ces mêmes savants qui lui ont fait une tazkiya auparavant mettent maintenant en garde contre lui et avertissent contre lui à cause des changements qu'il a eus, eh bien ça, c'est pas quelque chose d'étrange et c'est pas quelque chose de surprenant, même à l'époque des salafs. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est connu comme étant quelqu'un de bien, comme étant quelqu'un qui est sur la sunna et qui respecte les principes, qui suit l'islam comme il faut, puis que cette personne-là dévie à un moment donné, puis commence à changer, et qu'après qu'on lui ait fait la nasiha, et après qu'on ait mis en garde contre lui, et qu'on ait clarifié la vérité et le faux pour qu'il revienne, il continue à suivre ses idées, et il s'obstine, il ne veut pas revenir, et il continue à faire du tort, et bien dans ce cas-là, les savants mettent en garde contre lui. Et l'exemple de ça que je peux vous donner, c'est l'exemple de Amr ibn Ubayd et Wasil ibn Atta. Wasil ibn Atta vivait à l'époque de Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri, c'est un des grands parmi les tabi'in, peut-être un des plus grands parmi les tabi'in. Il a grandi dans la maison de Aïcha, radiallahu anha. Sauf qu'il n'était pas un sahabi, il n'a jamais rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était trop jeune et il était petit à l'époque. Il n'a jamais rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a grandi dans la maison d'Aïcha, il a rencontré plusieurs d'entre les sahabas, il a étudié avec eux. Donc c'était un des grands ulama parmi les tabi'in. Et parmi ses élèves, il y avait un homme qui s'appelait Wasil ibn Atta. Et à l'époque, c'était donc un élève de Al-Hassan al-Basri. Il assistait à ses cours et, qu'est-ce que tu allais dire de lui à l'époque? Que c'est un élève de ce grand tabi'i, un grand savant, un imam dans l'islam. Puis, Amr ibn Ubayd, la même chose. Donc, à l'époque, qu'est-ce que les gens allaient dire d'eux avant qu'ils dévient? Ils allaient dire, oui, c'est des gens qui sont sur l'islam, sur la sunna. Et c'est des gens qui sont corrects. Sauf qu'après, il a dévié dans des questions qui ont rapport avec la foi, qui ont rapport avec la position envers les gens qui ont fait des grands péchés. Donc on sait que Wasil ibn Atta, c'est le fondateur de la secte qu'on appelle les Mu'tazila. Et c'est lui qui est arrivé avec l'idée que celui qui fait un grand péché, on ne peut pas dire de lui qu'il est mu'min, et on ne peut pas dire de lui qu'il est kafir. C'est-à-dire qu'il est ni mu'min ni kafir. Il est dans un état entre les deux. Et ça, c'est une bid'a. Il n'y a personne qui a jamais dit ça. La position des salafs à propos du musulman qui a des kaba'ir, on dit de lui qu'il est mu'min et qu'il est naqis al-iman. C'est-à-dire qu'il a une foi qui est diminuée, qui est faible. Mais on ne le fait pas sortir complètement de la foi tant qu'il reconnaît que ce qu'il fait est un grand péché. Ça, c'est la position de Ahl sunnah par rapport à ça. Puis, il a inventé une autre bid'a, c'est-à-dire qu'il a dit qu'après la mort, cette personne qui fait des kaba'ir, après la mort, dans la dunya, il n'est pas mu'min, il n'est pas kafir, mais après la mort, il va être dans l'enfer pour l'éternité. Il ne va jamais sortir. C'est-à-dire, il va être comme les mushrikin et les kuffar. Donc, ils rejoignent la position des khawarij pour la question qui a rapport avec l'au-delà. Parce que pour les khawarij, eux, comme on l'a déjà expliqué, le khariji, si quelqu'un fait un grand péché, il devient kafir pour eux. Il sort de l'islam complètement. Son sang et ses biens deviennent licites. Et dans l'au-delà, il est dans l'enfer pour l'éternité avec les kuffars et les mushrikis. C'est-à-dire, pour les khawarij, c'est-à-dire, ça c'est autre chose, les détails de leur position par rapport à celui qui fait des kaba'if, c'est un kafir. S'il se repent, probablement qu'ils vont considérer qu'il est revenu, mais c'est des gens de l'égarement, c'est des gens de bid'ah. Donc, est-ce qu'ils vont accepter sa repentance ou non? Allahu a'lam, je ne sais pas. Mais l'important de savoir, c'est que eux, ils ont cette position-là envers celui qui fait des kaba'if. Ahl sunnah, ce n'est pas ça notre position. Ahl sunnah wal jama'a, la position des salaf al-salih à propos de celui qui fait des grands péchés, c'est que, comme on a dit, quelqu'un il fait des grands péchés, il est un musulman, sa foi est faible. Hein? On dit qu'il est mu'min, naqis al-iman, ou bien qu'on dit qu'il est fasiq, muslimun fasiq, mu'minun fasiq, ou naqis al-iman, mais on ne va pas dire qu'il est sorti complètement de la foi, comme le disent les khawarij. Donc ça c'est un point important. Puis Wasil ibn Atta, donc c'est un de ceux qui ont défié sur cette question-là. Et après, avec Amr ibn Ubayd, il y a eu, ils se sont mis ensemble. Amr ibn Ubayd et Wasil ibn Atta. Et Amr ibn Ubayd l'a amené la question du qadar, parce qu'ils ont nié le qadar et ils ont considéré que le qadar c'était une injustice. Hein? Donc ils ont appelé à qu'est-ce qu'ils appellent l'adl, la justice. Hein? Ils ont dit qu'il n'y a pas de qadar, c'est l'être humain qui fait ce qu'il veut, qui décide qu'est-ce qu'il veut, il n'y a pas de prédestination. Ça c'est une base de l'égarement aussi, parce que Ahlus Sunna wal Jama'a, on affirme al qadar, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il l'a mentionné dans le Coran, et il y a plein de preuves de ça dans la Sunna aussi. Pardon, donc nier al-qadar, c'est une forme de déviation et d'égarement, et même une forme de kufr, si tu nies la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, il le connaissait avant de l'avoir créé, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un autre exemple de leur égarement. Un autre égarement qu'ils ont ramené, c'est al-amru bil-ma'ruf wa nahi al-munkar. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça? C'est que lorsque le dirigeant fait une injustice quelconque, que à partir de ce moment-là, c'est une obligation pour eux de se révolter contre le dirigeant et de l'enlever du pouvoir pour le remplacer par un autre dirigeant. Et ça, c'est une position qui est en contradiction avec l'aqida et le manhaj d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Parce que Ahl Sunnati wal Jama'a, eux, au contraire, ils considèrent que si un musulman est injuste, qu'il fait de l'injustice, qu'il est interdit pour un musulman de se rebeller contre lui, de se révolter contre lui, jusqu'à ce qu'il, tant qu'il n'a pas commis un acte de kufr apparent et clair, et que c'est obligatoire de l'écouter et de lui obéir, dans le bien. Dans le bien. C'est-à-dire de l'écouter et de l'obéir dans ce qu'il nous ordonne de faire, qui est bien, qui est en accord avec l'islam. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de lui obéir dans un péché qu'il nous demande de faire, mais qu'on doit quand même continuer à lui obéir dans le reste de ce qu'il a ordonné de faire. Et il y a des centaines de hadiths qui supportent ce principe et ce fondement parmi les fondements de Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc ça c'est un autre des principes des Mu'tazila. Puis après il y a l'exemple de aussi qu'est-ce qu'ils appellent le Tawhid. Comme vous pouvez, je ne sais pas si tu constates maintenant, c'est que des fois il y a des gens de bid'ah qui utilisent des termes qui sont des termes utilisé par Ahlus Sunnati wal Jama'a. Sauf que leur définition de ces termes et leur compréhension de ces principes est totalement opposée à la compréhension d'Ahlus Sunnah. Comme par exemple, Al-Adl. Pour eux, ça veut dire nier le qadar. Al-Amru bil-Ma'ruf wa Nahi al-Munkar, pour eux, ça veut dire Al-Khuruj al-Wulat. De sortir, de se révolter contre les dirigeants. Alors que pour Ahlus Sunnah, ça ne veut pas dire ça. Et At-Tawhid pour eux, ça veut dire de nier les attributs d'Allah et ses noms. Ou bien plutôt de nier les attributs. Parce que les Mu'tazila, contrairement aux Jahmiyyah, les Mu'tazila, eux, ils affirment les noms mais ils nient les attributs. Tandis que les Jahmiyyah, ils nient les noms et les attributs. Tu vois? Donc les Mu'tazila, eux, ils ont dit le Tawhid, c'est de nier les noms, de nier les attributs d'Allah. Et les significations des noms d'Allah. Parce que les significations des noms d'Allah sont des attributs. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, on dit qu'il est Al-Alim, hein, l'omniscient, celui qui sait tout. Eh bien, la signification de Al-Alim, c'est Al-Ilm, hein, qu'il a Al-Ilm. Et eux, ils nient Al-Ilm à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour différentes shubuhat qu'ils ont à cause de ça, ils nient les attributs d'Allah. Mais on sait que nous, c'est, on doit affirmer ce qui est affirmé par Allah. Et on croit à ce qu'Allah dit dans le Coran. Donc ça, c'est un exemple aussi de la aqidah des Mu'tazila. Donc, ils ont établi leur aqidah sur 5 fondements que j'ai mentionnés. Et tous ces fondements-là sont en opposition avec Ahlus Sunnah al-Jama'ah. Mais c'est pourquoi je dis ça? C'est parce que Amr ibn Ubayd et Wasil ibn Atta, ils étaient des gens connus comme étant des gens sur la Sunnah auparavant. Puis quand ils ont ramené des bid'ah et quand ils ont dévié avec la aqidah d'Ahlus Sunnah, et leur cheikh Al-Hassan Al-Basri, ils se sont écartés des gens d'Ahlus Sunnah dans la mosquée. Ils se sont écartés du dars de Al-Hassan Al-Basri. Et c'est pour ça qu'on les a appelés des Mu'tazila, hein, qui vient du mot I'tizal, I'tazala. C'est-à-dire s'écarter. C'est ça que ça veut dire. Donc, Al-Mu'tazila, c'est-à-dire ceux qui se sont écartés. Hein. Et donc, c'est pour dire que quelqu'un peut être à un moment donné sur la sunna, puis quand il change, quand il dévie, il quitte la sunna, donc on ne va plus le mentionner comme étant quelqu'un, comme étant correct, comme étant une référence pour la sunna. La même chose qu'on dit par exemple pour Falih al-Harbi, ou pour Ali al-Halabi, ou pour Abu al-Hassan al-Ma'ribi, ou d'autres, qu'à un moment donné ils étaient connus comme étant des gens qui sont sur la sunna, et comme étant des salafis, mais lorsqu'ils ont contredit la aqidah des salafs, et leur manhaj, eh bien, on a changé notre position envers eux. Donc, si vous voyez des livres anciens, comme ce livre-là, par exemple, où il y a la mention de noms de personnes qui, à l'époque, étaient bien, mais qui, aujourd'hui, sont des gens qui sont critiqués par les savants, et mis en garde, on met en garde contre eux, ben, il ne faut pas s'étonner. Donc, il mentionne les noms de ces quatre chers à l'époque, mais là, on va se limiter aux trois, puisque ce sont ceux-là qui sont connu aujourd'hui comme étant sur la sunna, Cheikh Rabi al-Madkhali, Cheikh Ubayd al-Jabiri et Cheikh Ahmed al-Najmi. Donc, la question c'est quoi? Pourquoi vous avez limité les questions de manhaj à ces chouchs-là seulement? Et comment pouvons-nous excuser les autres ulama qui ne parlent pas sur le manhaj? C'est-à-dire qu'ils ne parlent pas des questions qui ont rapport avec le manhaj d'Ahlus Sunnah et les individus qui contredisent ce manhaj. Donc, le cheikh, il répond à cette question-là en plusieurs points. Parmi les réponses qu'il a mentionnées, il commence et il dit « Awalan, as-salafiyyatu hiya aqidatun wa manhaj, wa lam yu'assisha ahadun min al-bashar, fa lam yu'assisha al-sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, hina nasarahu al-imam al-amir Muhammad ibn Saoud rahimahullah, wa lam yu'assisha qablahuma sheikh al-islam ibn Taymiyyah, ولا من بينه وبينهما من أهل العلم والإمامة في الدين بل ولم يؤسسها أتباع التابعين بل ولم يؤسسها أئمة التابعين بل ولم يؤسسها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بل ولم يؤسسها محمد صلى الله عليه وسلم فالسلفية هي الإسلام الخالص الخالي من شوب البدعة والشرك هذه السلفية عقيدة ومنهج. Donc le cheikh il commence en disant que la salafia c'est une aqida et c'est un manhaj, c'est-à-dire c'est une croyance et c'est une méthodologie. ولم يؤسسها أحد من البشر, c'est-à-dire ça n'a pas été établi ou fondé par un être humain. La salafia n'a pas été établie ou fondée par un être humain. Contrairement aux groupes et aux organisations contemporaines, qu'on voit par exemple des groupes comme les Frères musulmans, fondés par Hassan al-Banna en 1928, ou le groupe de Jama'at Tablir, fondé par Mohamed Elias al-Kandahlawi en 1927 en Inde, Hizb al-Tahrir, fondé par al-Nabahani, et n'importe quel autre groupe comme ça, qui sont des groupes contemporains fondés par des individus contemporains, la plupart qui n'étaient pas des savants de l'islam ou qui étaient des gens qui avaient des tendances ou qui faisaient partie des sectes, soit des groupes soufis, ils étaient membres des turuq soufis comme Hassan al-Banna, était sur la tariqa al-Hassafiyya, al-Shabiliya, et l'autre, Mohamed Elias al-Kandahlawi, le fondateur des Tabligh, était sur la tariqa al-Jistiyya, et Mohamed al-Nabahani, lui aussi, qui était sur la aqida des Soufiyya, et en même temps, la aqida des Mu'tazila, hein, parce qu'il fait partie des gens qui se référaient au manhaj et à la aqida des Mu'tazila. Donc, ça, c'est les exemples qui montrent la distinction entre le manhaj et l'aqida des salafs et le manhaj des gens de bid'ah. Il n'a pas été fondé par aucun homme. Parce que le cheikh dit, ça n'a pas été fondé par le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab lorsque l'amir Mohammed ibn Saoud est venu à sa défense et a supporté sa da'wah. Et ça n'a pas été non plus fondé par cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Et ni par les savants qui ont été entre lui et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, parmi les hommes de science et parmi les imams de la religion. Et ça n'a pas non plus été fondé par, elle n'a pas été non plus fondée par les élèves des tabi'in. Et ça n'a pas non plus été fondé par les imams des tabi'in non plus. Et ça n'a pas été fondé par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça n'a même pas été fondé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit parce que la salafia, c'est quelque chose qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ça vient directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. La salafia, c'est l'islam dans sa pureté. L'islam qui a été débarrassé de toutes les impuretés de la bid'a, du shirk. Donc, c'est ça la salafia. La salafia, c'est dans la aqidah et dans le manhaj, et c'est dans l'islam, dans toute sa pureté. Donc, ça vient clarifier beaucoup de choses. Hein, parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que la salafia, c'est quelque chose qui a été fondé par Ibn Taymiyyah, ou Mohammed ibn Abdul Wahhab, ou par des imams parmi les imams des tabi'in, ou des choses de ce genre. Non, la salafia, c'est l'islam pur, tel qu'il a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et a enseigné l'islam aux premiers musulmans, qu'est-ce qu'il leur a enseigné? C'est l'islam. Hein? Et à l'époque, il n'y avait aucune division dans la croyance entre les sahaba. Il n'y avait aucune secte entre les sahaba. Les sahaba étaient sur une seule voie, une seule méthodologie. Il n'y avait pas de secte entre eux, ni division. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et il a laissé les sahaba unis sur une seule religion, une seule compréhension, une seule croyance. Et il n'y avait pas de secte entre eux, ni de division dans la croyance. Hein? Puis, par la suite, on commençait à apparaître des individus qui amènent des innovations, des croyances différentes, comme Abdullah ibn Saba, un juif du Yémen, qui a commencé à introduire des bid'ahs et des innovations et des croyances fausses. Et c'est ça qui a amené la naissance de qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui la religion des Shia, al-Rafida. Hein? Abdullah ibn Saba, un juif yéménite, qui avait pour but de créer justement des divisions entre les musulmans pour justement les dévier et les égarer, un peu à la manière dont Paul avait fait avec le christianisme. Donc lui, il voulait essayer de détruire l'islam de l'intérieur en inventant et en créant des fausses croyances et des égarements comme ça. Puis il y a eu, bien entendu, Abdullah ibn Saba et les Khawarij aussi, hein, qui sont apparus. C'est-à-dire, lui, il est venu en même temps, il y a eu l'apparition aussi des Khawarij qui est sortie, ça c'était après. Donc, la secte des Khawarij sont venus après, les Sahaba les ont combattus. Abdullah ibn Saba est venu, les Sahaba l'ont combattu aussi. Même que il y a plein de détails là-dessus, mais c'est pour dire que les sahaba ont toujours eu cette attitude envers les innovations lorsqu'elles apparaissaient au fur et à mesure qu'elles arrivaient. Ils les ont combattues. Après, il y a eu des bid'ahs comme la bid'ah de Ja'd ibn Dirham, Jahm ibn Safwan, comme on en a parlé déjà, ceux qui ont ramené la croyance des Jahmiyyah. Il y a eu Wasil ibn Atta et Amr ibn Ubayd, Ghaylan al-Dimashqi, qui a ramené la croyance des qadars, des qadariya et tout ça. Donc tout ça, tous ces individus-là sont apparus à une époque. Après, il y a des soufis qui sont apparus, c'est-à-dire des gens qui ont commencé à montrer un attachement plus fort à l'adoration et le délaissement de la science, le délaissement de la connaissance de l'islam. Puis commencer à, par la suite, emprunter des idées, tirer des philosophies des autres religions, tirer du mysticisme juif, du mysticisme chrétien, du mysticisme hindou et des Grecs de l'Antiquité et des autres religions étranges, ramener ça dans l'islam, commencer à interpréter le Coran et la Sunna selon ses fausses philosophies et ses fausses croyances. Toutes ces bid'as sont arrivées par la suite, se sont propagées petit à petit. Après, il y a la bid'a des Asha'ira, des Maturidiya, et ainsi de suite. Hein? Donc, ça, tout ça pour dire que la source et la base de l'islam, il n'y avait pas ça dedans. Il n'y avait pas ces sectes, il n'y avait pas ces divisions. Et quand on parle de la salafie, on parle de la salafie, c'est-à-dire on parle de l'islam comme il était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé les sahaba, il les a laissés sur cette aqida et sur ce manhaj qui était clair. Et on a vu l'attitude des sahaba, comment ils ont réagi envers les innovations et comment les tabi'in ont réagi envers les innovations et comment les tabi'in ont réagi envers les innovations et comment les imams de Ahlus Sunnah qui ont suivi par la suite ont agi envers les innovations, hein? Et puis c'est ça qui a été une chaîne qui a existé jusqu'à aujourd'hui. L'imam Ahmad, l'imam Ibn Taymiyyah, l'imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab sont une continuation de cette voie, c'est tout. Mais ils n'ont pas rien fondé d'eux-mêmes ou inventé d'eux-mêmes, hein? C'est pas une nouvelle croyance, une nouvelle pratiques qu'ils ont inventées, rien, c'est uniquement la suite de ce qui a été amené par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le combat et la réfutation des bid'as et du shirk qui a été introduit par les différentes sectes et les différents groupes d'égarement. Le shirk il dit وَمَنْ جَاءَ بَعْدَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دُعَاتُ إِصْلَاحُ وَتَبْصِيرُ النَّاسِ بِفِقْهِ هَذِهِ السَّلَفِيَّةِ. Donc, tous ceux qui sont venus après les prophètes et les messagers, que Allah mette sa paix sur eux, son salut, tous ceux qui sont venus après, parmi les gens qui ont appelé à la réforme et à faire comprendre aux gens la religion avec cette compréhension de cette salafia. Donc le cheikh dit فَالسَّلَفِيَّةُ بِالنِّسْبَةِ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ هِيَ فِقْهُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى وِفْقِ فَهْمِ السَّلَفَ الصَّالِحِ لأن السلفية وصف لكل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم متبعا أثره وهم أصحابه رضي الله عنهم وأئمة التابعين ومن بعدهم من أهل القرون المفضلة وأسمي من التابعين ومن بعدهم على سبيل المثال للحصر عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر والشعبي وعامر بن شراحيل وأبو العالية الرياحي وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وغيرهم. Donc le cheikh commence à expliquer et dit que la salafia par rapport à la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est la compréhension du Coran et de la Sunna selon la compréhension des salaf al-salih. C'est ça la salafia. Hein? Mais c'est pour ça une fois j'ai dit, si vous avez un problème avec le mot salafi, c'est soit deux choses. Un, vous ne savez pas ce que le mot salafi veut dire, donc vous avez un problème avec. Parce que si tu sais qu'est-ce que ça veut dire, ce n'est pas possible que tu aies un problème avec. Ou bien tu fais partie des gens qui ont un problème avec le mot salafi parce que toi tu fais partie des gens qui ont une autre aqida que la aqida des salafis. Et à cause de ça, tu suis ta passion et qu'est-ce qui est dans la salafi et ça oppose tes passions. Donc, tu as un problème avec le terme salafi. Qui sont vivants, oui. Et ça, c'est une contradiction de leur part. Et en réalité, souvent, c'est la preuve qu'ils sont en contradiction avec les savants salafis qui sont décédés aussi. Sauf qu'ils essaient de prendre leurs paroles et de les déformer ou de les interpréter à leur façon. Hein, et étant donné qu'ils sont morts, ils ne peuvent pas répondre. Donc, nous, on leur dit, retournons vers les savants qui sont vivants et qui sont capables de répondre. Si on leur pose des questions à propos de ce que vous pensez, de ce que vous dites, eh bien là, ils vont pouvoir répondre et clarifier est-ce que c'est ça ce qu'ils voulaient dire ou non. Tandis que ceux qui sont déjà morts, eh bien, ils ne peuvent pas répondre. Et toi, tu interprètes leurs paroles à ta façon, puis par la suite, tu dis c'est ça ce qu'ils ont dit, alors que ce n'est pas vrai. Hein? Et qui peut mieux comprendre les paroles des ulama que les ulama? Hein? Qui peut comprendre mieux les paroles des ulama, comme Ibn Taymiyyah et autres, mieux que les ulama d'aujourd'hui, hein, qui ont plus de base dans la compréhension de l'islam, plus de principes, plus de compréhension que nous. Donc c'est ça le jeu que jouent souvent certains individus. Ils citent, par exemple, Ibn Taymiyyah a dit, et d'autres ont dit, tu vois, même parfois j'en ai entendu certains, ils parlent contre des savants salafis, hein, ils les insultent, ils les dénigrent, ils parlent contre eux, mais malgré tout, ils vont quand même essayer d'utiliser parfois certaines de leurs paroles pour essayer de supporter certaines de leurs idées. Hein? Et quand tu ramènes, par exemple, ils vont trouver une parole d'un savant qui est résumée, qui n'est pas détaillée et qui peut être interprétée à leur façon, qui peut donner à leur point de vue une certaine validité. Hein? Ils vont dire, ah, regardez, tel savant, il a dit ça ici. Et c'est une parole générale, pas détaillée. Donc il dit, tu vois, même le cheikh tel, il dit ça, il est d'accord avec nous. Maintenant, après tu vas retourner dans un autre livre du cheikh où il parle du même sujet et il élabore en détail sur la question et il clarifie ce qu'il voulait dire dans l'autre passage où il a parlé de façon résumée. Et tu vois qu'il est contre ce que ces gens-là disent. De façon détaillée, il clarifie, il réfute. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent juste des paroles ambiguës. Ou même avec les textes de la révélation, ils font la même chose. Ils vont prendre un verset ou un hadith, hein, qui est, pas expliqué en détail ou pas élaboré, ou bien qui peut être interprété de façon différente, puis ils laissent de côté les textes qui sont clairs et explicites sur le sujet. Hein. Et même des fois, ils vont prendre un hadith qui a même pas rapport avec la question elle-même, mais ils vont l'utiliser pour créer un doute ou une shubha. Puis ils laissent de côté les hadiths qui sont explicites et clairs sur ce sujet-là, hein, que les gens peuvent utiliser comme référence. Donc c'est des jeux, en fait, que ces gens-là font, hein, quand ils disent qu'ils se réfèrent aux savants. Donc ça, c'est un exemple. Et le cheikh, il dit, « لأن السلفية وصف لكل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » Donc, il dit que la salafia, c'est une description qui s'applique à toute personne qui a été après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et toute personne qui est venue après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a suivi sa voie, qui a suivi ses traces. Hein? C'est lui qu'on appelle salafi. Et quand on dit suivre sa trace, c'est pas juste dans sa façon de s'habiller ou dans le fait d'avoir une barbe ou ça. Ça, c'est un aspect seulement. Hein? C'est l'aspect de l'apparence, c'est une chose seulement, mais plus important encore, de le suivre dans sa croyance, dans la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses messagers, en ses livres, en ses prophètes, en le jour dernier, en le qadar et tous les autres aspects de la foi, et également dans les aspects qui ont rapport avec la politique ou l'économie ou le jugement et tous les autres aspects de la religion. Hein? Donc c'est ce qui signifie de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont également la salafia, c'est également les sahaba, parce que ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam en premier, ce sont les sahaba. Donc c'est de se référer à eux comme étant une référence et un exemple pour nous, à sahaba. Ensuite il y a les imams des tabi'in, et ensuite, c'est-à-dire les élèves des sahaba, on les appelle tabi'in, puis ceux qui sont venus après eux parmi les gens des meilleurs siècles. Et il dit, je vais nommer parmi eux, parmi les tabi'in, je vais mentionner certains d'entre eux comme pour donner un exemple, et pas pour les mentionner tous, juste pour donner quelques noms. Urwa ibn Zubayr, Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr, Al-Sha'bi, عامر بن شراحيل أبو العالية الرياحي سعيد بن جبير سعيد بن المسيب et d'autres. Ceux-là sont parmi les imams des tabi'in. Il y en a d'autres encore. Ça, c'est juste quelques noms. Et il dit, وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ Par exemple, الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ c'est-à-dire Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, font partie de ceux qui viennent après les tabi'in. Donc, on connaît, nous, des fois, on connaît plus les, ceux qui viennent après les tabi'in que les tabi'in. Quand on va mentionner les noms des tabi'in, par exemple, les noms qu'on a mentionnés, on ne connaît pas beaucoup d'entre eux. Mais ceux qui viennent après, on les connaît plus. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas étudié qui sont les salaf, comme il faut. Et, par exemple, donc, Al-A'imma Al-Arba'a. Les quatre imams, on les connaît. Al-Layth ibn Sa'd, c'est un parmi les imams des salaf. Pas beaucoup de gens le connaissent. Al-Hammadan, Hammad ibn Zayd et Hammad ibn Thabit. Hammad ibn Zayd et Hammad ibn Salama. C'est deux parmi les imams des salaf. Hammad ibn Zayd et Hammad ibn Salama. On les appelle Al-Hammadan, les deux Hammad. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient le même nom et c'était deux grands imams parmi les imams des salaf. Et aussi on dit As-Sufyanan, les deux Soufyan. Et on parle de Soufyan al-Thawri et de Soufyan ibn Uyayna. Les deux grands imams parmi les imams des salaf aussi. Et Soufyan ibn Uyayna, c'est un des imams qui était à Mecca à la même époque que l'imam Malik était à Al-Madina. Et c'était l'imam de Mecca. C'était le alim, le savant, le muhaddith de la ville de Mecca. Soufyan ibn Uyayna. Donc, beaucoup de gens ne le connaissent pas. Soufyan al-Thawri aussi. Un grand imam parmi les imams des salaf. Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam. Un des shuyukh de l'imam al-Bukhari, un des grands ulama parmi les imams des salaf. Abu Bakr, Muhammad ibn Ishaq, celui qu'on appelle Ibn Khuzayma, on l'appelle Sheikh al-Islam, un des grands imams. Il a écrit le livre Kitab al-Tawhid, dans lequel il affirme les attributs d'Allah et il réfute les Mu'tazila et les Jahmiya. Shu'ba ibn al-Hajjaj, Shu'ba, un des grands ulama du hadith, un des savants, des plus grands savants aussi dans Al-Jarh wa Ta'dil aussi. Donc c'est les ulama, parmi ces ulama là, donc c'est des grands savants, des grands imams de la sunna, parmi les imams des salaf. Le Cheikh dit Ashab al-Kutub al-Sitta, c'est-à-dire les grands imams, ceux qui ont écrit les six livres de, les grands livres de hadith. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi et Ibn Majah. Les six imams. Ceux-là aussi sont des imams des salafs. Et d'autres également. Donc ça, c'est des exemples. Il y a dit, Ashab al-Kutub al-Sitta wa ghayruhum, mimman huwa ala darb saru. Mimman huwa ala darb saru. C'est-à-dire ceux qui ont marché sur la même voie. Il y en a plein comme ça. Ishaq ibn Rahouya et Abdullah ibn al-Mubarak et d'autres. Le Cheikh dit فَإِنَّ هَؤُلَا هُمْ أَئِمَةُ السَّلَفِ وَهُمْ أَئِمَةُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالنَّظَرُ فِي مَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ فَإِنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا مَضَى عَلَيْهِ مَنْ سَمَّيْنَا وَأَمْثَالِهِمْ فَهُوَ سَلَفِيٌّ عَقِيدَةً وَمَنْهَجًا وَمَنْ شَذَّ حكم عليه بشذوذه وأنه غير سلفي. Donc le cheikh il dit, donc ceux-là sont les imams des salaf et ils sont les imams de Ahlus Sunnah wal Jama'a et on regarde ceux qui viennent après eux. Si ils étaient sur la même chose, sur la même aqida et le même manhaj que ceux-là, alors on va dire à leur sujet qu'ils sont salafis. Mais ceux qui se sont séparés d'eux dans des croyances différentes ou des pratiques différentes et qui sont venus avec des pratiques singulières qu'eux-mêmes ont inventées ou que d'autres ont inventées avant eux, mais qui ne font pas partie de la pratique des salafs, eh bien, on dira qu'ils ne sont pas salafis. الشيخ يقول ولهذا فإنه لا يجوز قصر السلفية عقيدة ومنهجا على رجال بأعيانهم في مكان أو زمان ولكن هنا أمران. Donc il dit c'est pour cette raison qu'il n'est pas permis de limiter la salafia dans la aqida et dans le manhaj à un nombre, un petit nombre d'hommes dans un endroit spécifique ou dans un lieu spécifique, dans un endroit spécifique ou une époque, pardon, une époque spécifique. Mais il y a deux choses à mentionner. Al-amr al-awwal, i'lamu anna ashab al-ahwa الذين يصطادون في الماء العكر ويسعون جاهدين إلى فصل علماء أهل السنة عن عوام المسلمين وخواصهم يلقون شبها ومنها إن فلانا جرح فلانا من الناس فلماذا سكت عنه فلان أو لماذا وثقه فلان ومنها ما بال فلان وفلان ردوا على جماعة أو أفراد وسكت عنه الشيخ فلان والإمام فلان وهكذا وهذا الأمر هذا الأمر الأول. Donc la première chose, il faut savoir que les gens de la passion, ceux qui vont pécher dans les eaux troubles, ils font des efforts pour essayer de séparer les ulama de la vérité du commun des musulmans. C'est-à-dire qu'ils veulent créer une scission entre les musulmans du commun et les ulama. Ils veulent les éloigner des ulama de la vérité. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ils veulent égarer ils veulent éloigner les gens, les musulmans des savants, et même les tulab ilm, ils veulent les éloigner des savants aussi. Donc, ils jettent des ambiguïtés et des doutes, des choubouhat, et des questions ciblées dans le but d'essayer de détourner les gens de la vérité. Donc ils vont leur poser des questions pour essayer de mettre des doutes dans leur position. Par exemple, le cheikh il donne des exemples. Et par exemple, ils vont dire, un tel, il a critiqué un tel parmi les gens. Donc ce savant, par exemple, il a critiqué un tel. Alors, pourquoi l'autre cheikh, il a rien dit? Hein? Lui, il a critiqué ce cheikh, mais pourquoi l'autre cheikh, il l'a pas critiqué aussi? Et ils vont dire, pourquoi l'autre, il s'est tu à son sujet, il n'a rien dit? Et pourquoi un autre savant a dit du bien de lui? Donc, ils utilisent ces choubouhats-là. Hein? Par exemple, ils vont dire, un cheikh, il a parlé contre un tel. Mais l'autre cheikh, il a rien dit. Et l'autre, il a dit du bien de lui. Donc, ça porte à confusion. Et quelqu'un qui n'a pas de base, qui n'a pas de compréhension, il va être troublé. Hein? Il va dire, ah, mais c'est vrai, pourquoi lui, il le critique alors que l'autre, il dit du bien de lui. Hein? Et on a parlé de cette question-là au dernier cours. Hein? On a expliqué que qu'est-ce qui arrive dans des cas comme ça, que si les deux savants en question font partie déjà de la sunna, qu'il y en a un qui a critiqué cette personne et l'autre, il ne l'a pas critiqué, on revient aux preuves. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce savant qui l'a critiqué, qu'est-ce qu'il a ramené comme preuve pour critiquer cette personne? Est-ce qu'il l'a critiqué juste comme ça parce que ça lui tentait, parce qu'il s'est levé un matin puis il trouvait qu'il avait envie de critiquer quelqu'un, donc il est tombé sur lui comme ça par hasard, hein? Il a fait pile ou face, puis il a dit, je vais le critiquer si ça me tente ou non? Ou bien qu'il s'est basé sur l'étude de ses livres et de ses cours audio, de ses cassettes ou des choses comme ça, puis qu'il a trouvé dans ses propos des choses qui sont incorrectes ou des choses qui sont des égarements, et il a dit, dans ce cas-là, je vais commencer à mettre en garde contre lui. Et il a expliqué, il a écrit un livre, et il a énuméré ses erreurs avec des preuves et des citations, puis après ça, il a critiqué. Tandis que peut-être que l'autre savant qui dit du bien de lui et qui parle de lui en bien, il n'a pas été au courant de ces erreurs-là. Donc, qu'est-ce qui compte pour nous, c'est les preuves et non pas d'autres choses. Hein? Ensuite, le cheikh, il donne un autre exemple de shubha que les gens donnent. Ils vont dire, فَمَا بَالُ فُلَانِ وَفُلَانِ رَدُّ عَلَى جَمَعَةٍ أَوْ أَفْرَادٍ وَسَكَتَ عَنْهُ الشَّيْخَ الْفُلَانِ وَالْإِمَامِ فُلَانِ. Donc, il dit, pourquoi un tel savant, il a réfuté le groupe un tel ou un individu, Et tandis que l'autre cheikh ou l'autre imam, il n'a rien dit à son sujet, il n'a rien dit contre lui. Hein? Donc, ça c'est un peu comme la première exemple. Ça ressemble à ça, mais il y a beaucoup de choubouhat comme ça. Je me rappelle, à l'époque, Yanni, c'était souvent comme ça. Tu vois des gens qui critiquent et les savants, ils critiquent un individu, des savants qui critiquent un individu. Hein? Et même s'il y en a même des fois, tu vas trouver, il y a comme 5 savants, 10 savants qui vont critiquer quelqu'un, mais il y en a un savant qui parle pas ou qui a pas dit quelque chose contre lui. Alors, ils vont utiliser le silence d'un savant comme argument contre tout ce que les savants, les autres 10 savants ont mentionné comme raison et comme explication et comme détail et comme preuve pour réfuter et critiquer la personne en question. Donc, c'est comme pour dire, ils vont toujours aller essayer de chercher le savant, hein, qui va pas dire rien sur la personne en question pour essayer de le défendre. Bon, des fois, ils vont peut-être aller voir le savant le plus connu ou le plus célèbre, celui qui est connu comme étant le plus grand savant, par exemple, ou le plus savant de l'époque. Puis, si lui, il parle pas contre un individu en question, ils vont dire, ah, lui, c'est le plus grand savant, lui, c'est celui qui est le plus reconnu, le plus ancien, le plus respecté, mais lui, il a rien dit, tandis que les autres ont parlé. Et ça, c'est pas une référence non plus, c'est pas une preuve. Puisque le fait que lui, il a pas parlé, ça détruit pas les preuves qui ont été ramenées contre la personne. Hein? Et en même temps, ça vient pas non plus ramener aucun argument. Peut-être qu'il a une excuse pour le fait de pas avoir parlé. Peut-être qu'il n'est pas informé. Peut-être qu'il n'est pas au courant. Et peut-être qu'il n'a pas le temps non plus de se renseigner. Tu vois? Donc, on peut pas. Au contraire, les savants, par exemple, ils se remercient les uns les autres quand il y a des choses comme ça qui se passent. Si, par exemple, un savant à réfuter un individu pour ses erreurs, ses égarements, et que l'autre savant, lui, il l'a pas réfuté, mais il a, par exemple, il va lire sa réfutation, ou bien il va entendre parler de sa réfutation, puis il va dire que Allah récompense tel cheikh pour avoir réfuté un tel, parce que moi j'avais pas le temps et j'aurais pas eu le temps de pouvoir lire ses livres puis étudier toute la question. Parce que c'est du travail réfuté, hein? C'est du travail. Ça demande du temps, ça demande de l'effort, ça demande de la patience, ça demande beaucoup de choses. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, hein? Même parmi les savants, tous les savants sont pas au même degré et tous les savants sont pas au même niveau, hein? Et il y a des savants, même Mohamed Aman, il a expliqué une parole de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya dans son livre Al-Fawa'id. Et il mentionne et il clarifie le fait que il y a des savants qui connaissent le bien en détail et le mal en détail. Et il a dit ceux-là sont les savants, les vrais savants. Mais il y en a d'autres savants, ils connaissent le bien en détail et le mal de façon générale, mais pas en détail. Ceux-là sont des savants aussi, mais ils peuvent pas réfuter le faux de la même manière, parce qu'ils n'ont pas la connaissance détaillée du mal comme les premiers qu'on a mentionnés. Puis il y en a des individus qui connaissent, disons, le bien de façon générale et le mal de façon générale. Puis en tout cas, il a tout détaillé ça en différentes catégories pour montrer que, plus quelqu'un connaît le bien et le mal, pas seulement le bien, parce que il y en a qui connaissent que le bien, mais quand ils connaissent pas le mal, ils peuvent tomber dans le mal. Et c'est pour ça que Hudhayfa ibn al-Yaman, il disait, كنت كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ذلك. Donc il dit, les gens avaient l'habitude de demander au messager d'Allah au sujet du bien, et moi je demandais à propos du mal par crainte que je tombe dans le mal. Hein? Donc ça, c'est un exemple de Hudhayfa qui nous a montré. Donc c'est pour dire que on doit connaître le bien, mais on doit aussi connaître le mal. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous parle des gens de bien, des prophètes, et il nous parle aussi des gens du mal, des mouchriquins, des kuffars, de Iblis, pour qu'on puisse connaître le mal et s'en préserver. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit même dans le Coran, لِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ, c'est-à-dire pour que les chemins et la voie des criminels deviennent clairs, pour que tu puisses la reconnaître. Donc, ces savants, parmi les savants d'Ahl Sunnah et parmi les imams, qui ont connu le bien, la Sunna en détail, et qui ont connu l'égarement et la bid'a et le kufr et le shirk en détail, ils peuvent s'en préserver plus et mettre en garde les autres contre ces choses-là beaucoup plus facilement. Tandis que ceux qui connaissent le bien et qui connaissent le mal, mais de façon générale seulement, ils ne peuvent pas le faire aussi bien. Hein? En tout cas, j'ai déjà fait la traduction de cette explication de l'imam Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il a dit dans Al-Fawaid, dans un des cours que j'ai fait, dans les cours d'hiver, je pense qu'il est disponible sur le site. Donc, j'avais expliqué chacune de ces catégories-là, comment l'imam Ibn al-Qayyim l'avait divisé, d'une façon très intéressante. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Ubaid? Il explique la deuxième chose qu'on doit prendre en considération. La première, c'est que les gens de Bid'a jettent des shubuhat à ce sujet-là. Hein? Et la deuxième, c'est Al-Amr al-Thani, قدمتُ لكم الكلام عليه ولكن أعيده باختصار وأقول من رد على مخطئ سواء كان هذا المخطئ مبتدعاً أو غير مبتدع ومن سكت عنه فإن هذا ليس محل خلاف عند المحققين أبدا بل العبرة بمن تكلم ورد لأنه رد بدليل وتكلم بدليل وذاك إما لأنه لم يظهر له الأمر ولم يتجلى له أو أنه اكتفى بمن تكلم وأحال عليه. Donc le cheikh il dit exactement ce que j'ai résumé, il résume lui-même qu'est-ce qu'il a expliqué dans les questions précédentes, et il dit celui qui a réfuté l'erreur de quelqu'un, peu importe que celui qui a fait l'erreur soit un innovateur, un mubtadi ou non, hein, et celui qui s'est tu, eh bien c'est pas une question de divergence entre les savants vérificateurs. C'est le fait qu'il y en a un qui s'est tu, c'est pas une divergence entre les savants. On prend en considération celui qui a parlé et celui qui a réfuté, parce qu'il a réfuté avec preuve et qu'il a parlé avec preuve. Et celui qui n'a pas parlé, bien soit c'est parce que la chose n'était pas claire pour lui, ou parce qu'il s'est limité à celui qui il s'est suffi, par exemple, de celui qui a parlé. Il dit, moi j'ai pas besoin de parler de lui parce que l'autre savant il a déjà réfuté. Donc dans le sens que à quoi ça sert que moi je le réfute alors que l'autre savant en question, il a réfuté cet individu-là en détail et il a fait du bon travail. Donc, qu'est-ce que je vais rajouter à son travail? Rien, parce qu'il a déjà été réfuté comme il faut. Donc, ça, c'est un exemple de la raison. Et il dit aussi, Yanni, ou bien parce qu'il réfère les autres à un autre savant. Il va dire, moi, j'ai pas besoin de le réfuter. Retournez, si vous voulez savoir, retournez à l'autre savant qui l'a déjà réfuté. Et, on ne va pas répéter les mêmes choses 10 fois si la chose elle a déjà été réfutée, clarifiée une fois dans un livre par un savant. C'est pas nécessaire qu'il y ait une vingtaine, trentaine, cinquantaine de savants qui vont répéter la même chose encore une fois. Si l'affaire elle est claire, elle est claire. Hein? Non. Et souvent tu vas voir que quand il y a plusieurs savants qui réfutent une même personne, ben, le deuxième savant qui va écrire une réfutation, il va se concentrer sur des éléments que le premier n'a pas mentionnés. Ou bien il va rajouter des éléments de réfutation que le premier n'avait pas mentionnés. Parce que peut-être que le premier, il a réfuté seulement 2 ou 3 ou 4 ou plus parmi les points, mais il a laissé certains points importants parce qu'il voulait peut-être pas prendre trop de temps, ou bien il ne pouvait pas peut-être attaquer tous les problèmes. Puis l'autre a vu ça, il a dit, bon, puisque l'autre il a laissé des points pas réfutés, bon, moi je vais aussi clarifier sur d'autres choses. Donc ça, c'est des exemples. La question numéro 19, c'est la question suivante. Le cheikh, on lui a posé la question, جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول نود التفصيل في مسألة امتحان الناس وهل هي على إطلاقها أم هناك ضابط معين في هذه المسألة. Donc la question ici c'est يعني on voudrait avoir un détail, des détails sur la question de tester les gens, hein, de tester les gens, et est-ce que c'est quelque chose qui est de façon qu'on doit prendre de façon absolue, ou bien il y a des principes spécifiques à prendre en considération dans la question. C'est-à-dire, est-ce que c'est permis de tester les gens ou non? Et c'est quoi les règles à ce sujet-là? Quand on dit de tester les gens, c'est-à-dire quand tu vois quelqu'un puis que tu ne sais pas sa position par rapport à la sunna, par rapport à la salafia, est-ce que tu as le droit de lui poser des questions dans le but de le tester pour essayer de découvrir c'est quoi sa vraie position? Est-ce que c'est permis ou non? Il y a des gens qui considèrent que ce n'est pas permis de faire ça, et il y a d'autres savants qui disent que c'est permis de faire ça. Donc c'est quoi le détail, c'est quoi la réponse au sujet de cette question-là, c'est quoi le manhaj des salafs sur ce sujet. Donc le cheikh il dit « Antum ta'lamoun ma'na l'imtihan fala da'i lil-kalam alayhi wa innama al-jawab ala hadha al-su'al bin wajhain » Le cheikh il dit « Vous savez ce que signifie l'imtihan » L'imtihan ça veut dire examen, test, hein, épreuve. Donc il dit, vous savez ce que ça veut dire, je n'ai pas besoin de parler sur la définition, je veux juste répondre à votre question de deux points de vue. Le premier point de vue, الوجه الأول, هل ينهى عن امتحان الناس على إطلاقه وهل يطلق النهي عن امتحان الناس فيقول لا يمتحن أحد أو في ذلك تفصيل. Donc le premier point de vue, est-ce qu'on interdit de façon absolue toute épreuve ou tout test des gens, on ne va jamais tester personne, hein, et on va dire de façon générale et absolue que c'est interdit de tester les gens. Donc on dirait par exemple, personne ne doit être testé, et on ne doit tester personne. Ou bien il y a des détails sur la question. Donc le cheikh il dit la réponse, « Wal jawab annahu fi dhalika tafsil » Donc, il y a des détails au sujet de cette question. Il dit, فَمَنِ اسْتُرِيبَ فِي أَمْرِهِ أَوْ طُلِبَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَمْ يَظْهَرْ عِنْدَهُ أَهْلِيَةٌ لِمَا يُطْلَبُ مِنْهُ أَوْ لَا فَإِنَّهُ يُمْتَحَنْ وَكَذَلِكَ مَنْ أُرِيدَ تَسْكِيَتَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهُ كَذَلِكَ يُمْتَحَنْ وَلَا يَزَالُ النَّاسُ عَلَى هَذَا بل هم مضطرون إلى قبوله فإن من أراد منه من أريد منه منصب فإن ولي الأمر يختبره هل عنده أهلية لهذا المنصب أو لا ولا يزال الناس يتساءلون عمن وفد عليهم يتساءلون عنهم ويسألون الوافد من أين أتى وإن كان يظهر علما فعلى من درس ومن هم أشياخه. Donc le cheikh il dit que si on a un doute à propos de quelque chose, donc il dit on va demander des questions à propos de cette personne ou à cette personne, on va lui poser des questions pour voir, parce que si on n'a pas par exemple vérifié, il n'y a rien qui montre que la personne est apte à ce qu'on lui pose des questions ou à ce qu'on lui demande de faire quelque chose pour nous, eh bien, dans ce cas-là, on lui demande des questions pour savoir est-ce que la personne est apte à le faire et est-ce qu'elle mérite vraiment d'avoir cette responsabilité-là ou non. Dans ce cas-là, on peut tester la personne. Par exemple, si quelqu'un nous demande une recommandation, hein, et que la personne, elle vit dans un endroit éloigné ou écarté des gens, de même dans ce cas-là aussi, on peut tester la personne ou poser des questions à la personne pour l'évaluer. Il dit, et les gens ont toujours agi comme ça, et ça continue toujours. Des fois, on n'a pas le choix, on est obligé de tester les gens, hein, et on est obligé d'accepter ce genre d'épreuve ou de test lorsque, par exemple, quelqu'un veut avoir un poste, hein, ou lorsque le dirigeant veut donner un poste à quelqu'un, eh bien, il va le tester pour savoir si cette personne mérite cette position ou ce poste. Hein? Par exemple, les entrevues qu'on passe pour un travail, c'est rien d'autre que ça. Hein? On va pas donner le poste, un poste de responsabilité important à n'importe qui. Hein? On va le tester, on va lui poser des questions. On veut savoir sa position, on veut savoir son niveau pour savoir si cette personne-là est apte ou mérite réellement ce poste-là ou non. Et il dit, les gens ont toujours questionné les délégations qui viennent vers eux. Comme par exemple quand on reçoit des gens qui viennent de loin ou des gens qui viennent d'ailleurs, puis qu'on ne les connaît pas, on veut savoir quelle est leur position. Eh bien, on va leur poser des questions pour savoir où ils se tiennent, c'est quoi l'attitude qu'on doit avoir envers eux, et ainsi de suite. Et est-ce qu'ils sont aptes à faire qu'est-ce qu'on veut d'eux, ou qu'est-ce qu'on veut faire de qu'est-ce qu'on veut pour eux, ou des choses comme ça. Est-ce qu'on peut étudier avec eux? Donc, le cheikh, il dit, quand quelqu'un vient de l'extérieur et qu'il montre qu'il a de la science, est-ce qu'on va étudier avec lui? Hein? Il faut savoir où est-ce qu'il a étudié. Il faut savoir c'est qui ces shuyukh. Hein? Quelqu'un comme ça qui débarque là, du jour au lendemain, il rentre ici, puis là il dit, salam alaikum, alaikum salam, moi je suis un frère, j'ai étudié, j'ai du ilm, j'ai de la science, je veux donner des cours. Est-ce qu'on va lui dire, bon, ahlan wa sahlan, assis-toi, puis commence à enseigner aux gens? On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas c'est quoi son manhaj, on ne sait pas c'est quoi sa aqidah, on ne sait pas c'est quoi sa réalité. On ne sait même pas si c'est vrai qu'est-ce qu'il dit. Donc, est-ce qu'on va juste comme ça accepter aveuglément de le laisser parler, d'enseigner aux gens? Hein? Puis souvent, c'est ça que les gens font. Et des fois, les gens ils disent qu'ils voient quelqu'un, il a une belle apparence. Hein? Et il parle bien l'arabe, il a l'air d'être correct. Et à partir de ce moment-là, les gens lui font confiance automatiquement. Ils disent, ah, ben, on lui fait confiance et on le laisse parler. Puis après, on réalise que la personne, elle a des déviations, elle a des égarements. Et puis à cause de ça, les gens commencent à le suivre et puis ils tombent dans l'égarement avec lui, ils le suivent. Ils s'attachent à cette personne émotionnellement et puis ils commencent à l'aimer. Puis ils le suivent aveuglément par la suite. Peut-être même qu'après, s'ils vont entendre qu'on le critique, eh bien, les gens vont commencer à vouloir le défendre et même à vouloir peut-être même... se battre pour lui, hein, à cause de lui. Alors que si les gens avaient posé la question en partant et l'avaient testé comme il faut avant tout, eh bien, on aurait évité tout ça. Hein. Donc, ça c'est un exemple. Il dit وَمِنَ الْأَدِلَّةِ وَمِنَ الْأَدِلَّةِ الَّتِي صَحَّتْ بِهَا السُّنَّةِ وَهُوَ فِي مَا يَظْهَرُ فِي مَنْ خَفِيَ أَمْرُهُ قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه كانت له جارية ترعى الغنم فعدى الذئب فاختطف شاة منها فلما جاء معاوية أخبرته جاريته الخبر فلطمها ثم جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر وأظنه تأثر لما صنع ولامته نفسه فتغير النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من صنيعه مع جاريته فقال يا رسول الله إن علي رقبة فهل أعتقها؟ قال جئني بها أنظر أمؤمنة أم لا؟ فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألها أين الله؟ فقالت في السماء وقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة وهذا اختبار وهذا امتحان واختبار. Donc le cheikh il donne l'exemple parmi les preuves qui sont authentiques dans la sunna au sujet du fait de tester les gens. Il dit que c'est une chose, lorsque quelque chose est subtil, c'est pas apparent, on peut pas le voir directement, eh bien ça, ce hadith là il nous donne la preuve que c'est permis dans ce contexte-là et dans ces situations-là de tester et d'éprouver la personne. Et il mentionne le hadith de Muawiyah ibn al-Hakam lorsqu'il a frappé une de ses esclaves. Donc, il avait une jeune esclave qui s'occupait de ses moutons. Et il y a un loup qui est venu qui a attrapé un de ses moutons puis qui est parti avec. Alors Muawiyah, lorsque son esclave lui a mentionné qu'un loup avait mangé mangé un de ses moutons, il a été en colère et puis il l'a giflé. Alors il l'a giflé au visage et il a eu des remords d'avoir fait ça. Il est allé voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire qu'est-ce qu'il avait fait. Il a dit au messager d'Allah, maintenant je dois libérer un esclave pour qu'est-ce que j'ai fait et je voulais savoir est-ce que je pouvais la libérer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, amène-la moi pour que je vois si c'est une croyante ou non. Alors il l'a ramené et il lui a posé la question, où est Allah? Et elle a dit, dans les cieux, fissama. Et après il lui a dit, et qui suis-je? Elle a dit, tu es le messager d'Allah. Il a dit, libère-la car c'est une croyante. Le cheikh, il dit ça, c'est un exemple de test et d'épreuve, hein, d'examen qu'il a fait passer pour découvrir si cette personne était croyante ou non. لأن هذه ستكون حرة طليقة وستكون من الأحرار في الإسلام فلا بد من إقامة شاهد عليها من دينها ولهذا سألها النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال كما أن القصة تدل على أمر آخر وهو أن السلف رحمة الله عليهم بدءا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعنون بغرز العقيدة في الناشئة من أبنائهم وأهليهم ورعاتهم فهذه جارية علمت الحق في الله سبحانه وتعالى وعلمت من دين الله ما شهد لها به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها مؤمنة وهي حجة على من يهون أمر العقيدة عقيدة التوحيد ويقلل من شأنها وعادة الناس يغفلون عن مثل هذه الجارية لأنها راعية غنم ومع هذا ما أغفلها سيدها رضي الله عنه وتبصرت منه في أمر العقيدة وفي أمر التوحيد الذي هو أصل الأصول. Donc le cheikh explique que dans cette histoire il y a également un point important. Bon, il dit premièrement, par rapport à cette question, c'est que la raison pourquoi il l'a testée, c'est parce que elle allait devenir libre. Elle va être libérée, cette esclave. Donc elle sera parmi le nombre des gens qui seront libres et qui seront dans l'islam. Donc il faut établir un témoignage, un témoin pour sa religion. Et c'est pour ça qu'il lui a posé ces questions-là. Et il dit que l'histoire en question nous indique une autre chose également qui est très importante, c'est que les salafs, en commençant par les sahaba, ils donnaient une très grande importance à inculquer aux jeunes et aux jeunes et aux enfants la aqida de l'islam. Le hadith de Muawiyah ibn al-Hakam, quand il a frappé l'esclave et que le professeur a dit « Où est Allah ?» et elle a dit « Il est dans les cieux. Hein? » Et il lui a demandé « Qui suis-je » et elle a dit « Tu es le messager d'Allah. » Il a dit « Libère-la, c'est une croyante. » Donc le cheikh il dit, ce hadith-là, ça indique que les sahaba, ils inculquaient la aqida aux enfants et aux jeunes, et à leur famille, et à ceux qui étaient sous leur responsabilité. Même une petite esclave qui s'occupe des moutons, elle a connu la vérité à propos d'Allah, et elle a connu la religion d'Allah, hein, et à un point que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a témoigné de sa foi, et que c'était une croyante. Donc il y a une preuve dans ça pour ceux qui dénigrent ou qui ne donnent pas d'importance à la aqida et au tawhid et qui diminuent son importance. On voit ici que l'habitude des gens c'est de dénigrer ou plutôt d'être insouciant par rapport à ces questions, tandis qu'on voit que cette jeune esclave qui était bergère hein, qui s'occupait des moutons, eh bien, elle, non. Elle n'a pas négligé ces choses-là. Elle n'a pas été insouciante. Et son maître n'a pas non plus été insouciant envers elle dans ces questions qui ont rapport avec la aqidah. Au contraire, il lui a enseigné la aqidah et le tawhid. Et donc, elle connaît ça. Et c'est ça qui est la base de toutes les autres bases, le tawhid. Et le deuxième point, le cheikh il dit al-amru thani alladhi arafnahu min sirati a'immat as-salaf annahum yamtahinun an-nas bi fudala'ihim wa 'ulama'ihim fa idha wafadat 'alayhim wafida min qatrin sa'aluhum 'an 'ulama'ihim fa in athnaw 'alayhim khayran qarrabuhum wa ahabbuhum wastabanu annahum ahlus sunnah وإن أثنوا عليهم شرا أبعدوهم وأبغضوهم ونفروا منهم وقديما قالوا امتحنوا أهل المدينة بمالك وامتحنوا أهل الشام بالأوزاعي وامتحنوا أهل مصر بالليث ابن سعد وامتحنوا أهل الموصل بالمعافى ابن عمران وهؤلاء الذين قرر الأئمة امتحان الناس بهم هم أئمة بالسنة والعلم والإيمان فصاحب السنة لا بد أن يحبهم وأن يجلهم ويظهر الثناء عليهم وصاحب البدعة لا بد أن يظهر الشناعة عليهم. Donc le cheikh il dit que la deuxième chose c'est que qu'est-ce qu'on a su aussi de la part dans l'exemple de la vie des imams des salafs, c'est qu'ils testaient les gens par leurs grands hommes et par leurs ulama. Ils testaient les gens par leurs grands hommes et par leurs ulama. Donc s'ils trouvaient quelqu'un qui arrivait d'une autre région, ils leur demandaient au sujet de leurs savants. S'ils disaient du bien de ces savants-là, ils les rapprochaient d'eux, ils les aimaient et ils voyaient clairement que c'était des gens de la sunna. Mais s'ils voyaient que ces gens-là disaient du mal d'eux, c'est-à-dire, ils disaient du mal des savants, de le sunna de la région d'où ils venaient, eh bien, ils les éloignaient, ils les détestaient, et ils mettaient en garde les gens pour qu'ils fuient ces gens-là, hein, pour qu'ils s'éloignent d'eux. Et à l'époque, donc, les salafs disaient, testez les gens de Médine par l'imam Malik. C'est-à-dire, si vous voyez quelqu'un qui vient de Médine, et qu'il vient... et qu'il vient et qu'il prétend avoir de la science et des choses de ce genre, posez-lui des questions sur l'imam Malik. Qu'est-ce qu'il pense de l'imam Malik? Qu'est-ce qu'ils disent de l'imam Malik? Et testez les gens de la région de la Syrie, de la Palestine, hein, par l'imam al-Awza'i. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, viens, je vais te donner la clé. Sinon, il y a un endroit pour faire le wudu ici. Mais si tu veux faire le wudu, tu veux utiliser le hammam, il y a la clé. C'est bon? Ok, parfait. Inch'Allah. J'avais oublié d'allumer la lumière. Donc, mais de toute façon, il y a assez de lumière là. Mais si tu veux, tu peux l'allumer. Non, il n'y a pas. Mais si tu veux, je peux te prêter le mien pour. Mais nous, ouais, on n'a pas encore prié l'Asr. Aussitôt qu'on termine le dars, il reste 5 minutes. Aussitôt qu'on termine le dars, on va prier. Alhamdulillah, barakallahu fiq. Donc, qu'est-ce qu'on disait? On dit qu'ils ont testé les gens. Ils testaient les gens par l'imam al-Awza'i. Les gens de la ville de... pas la ville, mais les gens de la région de l'Égypte, Misr. Ils testaient les gens par l'imam Al-Layth ibn Sa'd. Hein? Qu'est-ce que vous pensez de l'imam Layth ibn Sa'd? Et les gens de la ville de Mawsil, ils disaient, testez-les par Al-Mu'afa ibn Imran. Ok? Donc, ceux-là sont des imams. Hein? Parmi les imams de la sunna, de la science et de la foi. Donc, les gens testaient les hommes par rapport à ces imams-là. Donc, la personne de la sunna, elle répondait par rapport à ces imams-là, que oui, ça c'est des imams, on les aime, c'est des imams de la sunna. Mais tandis que les gens de Bid'a, eux, ils détestent ces imams. Pourquoi ils les détestent? Parce que ce sont des imams de la Sunna qui combattent les Bid'a. Et eux, ils défendent la Bid'a. Donc, ils les détestent à cause de ça. Et à notre époque aussi, c'est la même chose. Tu vas trouver que des gens, par exemple, qui sont parmi les Mubtadi'a, tu lui poses des questions. C'est qui tes savants? Hein? C'est qui les savants que tu aimes? C'est qui les saints que tu suis? Et tu leur poses des questions, tu leur nommes des noms. Qu'est-ce que tu penses de Cheikh Ibn Baz, de Cheikh Al-Albani? Qu'est-ce que tu penses de Cheikh Al-Najmi, de Cheikh Ubayd Al-Jabri, Cheikh Rabi Al-Madkhali? Qu'est-ce que tu penses de Cheikh, par exemple, Mohamed Aman Al-Jami ou d'autres mashaykhs? Eh bien, tout de suite, tu vas savoir sa position parce que il doit avoir une position par rapport à ces savants-là. Et s'il les aime, tu vas savoir que ce sont des gens de la Sunna. Mais s'il les déteste, tu vas savoir que ce sont des gens de la Bid'a parce que ces savants-là ont combattu les gens de Bid'a. Donc, automatiquement, tu es obligé de te positionner. Et le cheikh, il dit, وَذَكَرَ بَعْضُ أَئِمَّةِ الدَّعْوَةِ لَا يَحْضُرُ نِسْمُهُ الْآنِ أَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدْ إِبْنْ حَنْبَلْ رَحِمَهُ اللَّهِ لَا يَزَالُ مِحْنَةً لِلنَّاسِ يعني يمتحن الناس بعضهم بعضا به وبهذا تعلمون أن المبتدعة والضلال لا يمتحنون الناس فيهم لأنهم ساقطون. Donc le cheikh il dit, certains imams de la da'wa ont mentionné, je ne me souviens pas du nom de l'imam exactement, mais ils ont mentionné que l'imam Ahmad ibn Hanbal, que les gens utilisaient l'imam Ibn Hanbal comme une épreuve pour les gens. C'est-à-dire, les gens posaient toujours la question aux gens, qu'est-ce que tu dis de l'imam Ahmad Ibn Hanbal? À l'époque, après l'époque de l'imam Ahmad, quand ils voulaient tester les gens pour savoir c'est quoi leur position, ils leur demandaient, qu'est-ce que tu dis de l'imam Ahmad Ibn Hanbal? Qu'est-ce que tu penses de l'imam Ahmad Ibn Hanbal? Donc tu pouvais savoir tout de suite ta position après ça. Donc il dit maintenant c'est clair que yani, les gens de Bid'aïd, les gens de l'égarement, on teste pas les gens par les gens de l'égarement, on teste pas les gens par les gens de Bid'aïd, parce que c'est des gens qui sont déjà comme sans valeur. Et il dit fa ahlul ilm wal fadl wa huddaq ahlus sunnah ينفرون أو ينفرون منهم أما المنحرفون والمفاصلون للمنهج الحق فإنهم يكرعون فيهم ويشغفون بهم لأنهم تلامذتهم. أي نعم. Donc les gens de science, les gens intelligents parmi les gens de la Sunna, ils mettent en garde contre les égarés et contre les gens de l'égarement et contre les gens de Bid'a. Tandis que les gens qui sont yani, déviés ou qui se sont séparés du manhaj de la vérité, eh bien eux au contraire, ils aiment les gens de Bid'a et les gens de l'égarement parce que ce sont leurs élèves. Donc tu vas mentionner par exemple à des individus des noms de Mubtadi'a et tu vas voir que eux ils vont être contents d'eux. Ils vont parler du bien d'eux. Parce que ce sont des gens comme ça. Ce sont des gens d'égarement, eux aussi. Donc, ils les aiment. Tandis que si tu leur mentionnes des imams de la sunna et des ulamas qui ont suivi la voie des salafs, ils vont les détester. Ils vont être fâchés d'entendre leur nom. Donc, c'est un des signes qui nous montre que ce n'est pas interdit de façon absolue de tester les gens, que c'est permis de le faire. Hein. Donc, ça, c'est la fin de la réponse. Donc, du Cheikh Ubayd Al-Jabri Hafizahullah au sujet de cette question. Donc on va s'arrêter ici, puis il reste encore beaucoup de questions. On est à la question 20 là maintenant. Le prochain cours on va faire la question numéro 20 et en tout il y a 27 questions. Donc il reste encore peut-être, disons peut-être 2 ou 3 cours avant qu'on termine le livre inshallah. Donc on va s'arrêter pour la salat et pour le cours d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça a été bénéfique. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.